Oh, s'il y a quelque chose d'auguste dans ses enseignements de fraternité, dans ses doctrines de mansuétude et d'amour, que toutes les bouches qui crient « religion » et toutes les bouches qui disent « démocratie », que toutes les voix de l'ancien et du nouvel évangile sèment et répandent aujourd'hui, d'un bout du monde à l'autre, les unes au nom de l'homme Dieu, les autres au nom de l'homme peuple, si ces doctrines sont justes, si ces idées sont vraies, si le vivant est frère du vivant, si la vie de l'homme est vénérable, si l'âme de l'homme est immortelle, si Dieu seul a le droit de retirer ce que Dieu seul a eu le pouvoir de donner, si la mère qui sent l'enfant remuer dans ses entrailles est un être béni, si le berceau est une chose sacrée, si le tombeau est une chose sainte. Insulaire de Guernesey, ne tuez pas cet homme. Je dis, ne le tuez pas, car, sachez-le bien, quand on peut empêcher la mort, laisser mourir, c'est tuer.